Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la fusillade à l'Université Kent State en 1970. Je me souviens avoir vu une traînée de gouttes de sang dans le couloir. Puis, nous sommes sortis et avons marché le long de la route d'accès jusqu'à ce que nous atteignions l'endroit où gisait Jeff Miller. Until we got close to where Jeff Miller was lying. L'extrait que vous venez d'entendre est tiré du documentaire « Mayfort, Our Place in History », un documentaire réalisé par Dustin Lee en 2016. Le 4 mai 1970, quatre étudiants de l'Université Kent State en Ohio tombent sous les balles de la garde nationale américaine. Ce jour-là, Jeffrey Miller, Allison Crowes, William Schroeder et Sandra Scherr meurent au cours d'une manifestation étudiante contre la participation américaine à la guerre du Vietnam. Cette fusillade à l'Université Kent State en mai 1970 est devenue l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire du mouvement d'opposition à la guerre du Vietnam aux États-Unis. Dès 1971, le groupe Crosby, Stills & Nash interprète cette chanson, vous venez d'entendre, la chanson « Ohio » que Neil Young a écrite en lien avec cette fusillade de l'Université Kent State en mai 1970. Ces mêmes événements vont d'ailleurs inspirer bien d'autres musiciens au fil du temps. Le Steve Miller Band, Bruce Springsteen, Genesis, pour n'en nommer que quelques-uns, vont tous consacrer une pièce à cette tragique fusillade de mai 1970. Pour nous rappeler le contexte qui va conduire à cette tragédie, pour nous parler aussi de l'importance de cet événement dans l'histoire des États-Unis au 20e siècle. Je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Quelle place, Karine Prémont, occupe justement cette fameuse fusillade sur le campus de l'Université Kent State en 1970? Quelle place ça occupe dans l'imaginaire collectif américain, Karine? Une place très importante, évidemment, parce que c'est un épisode durant lequel des Américains vont tirer sur de jeunes Américains. La garde nationale qui va tirer sur des étudiants qui manifestent contre la guerre du Vietnam. Alors, ça marque les esprits, ça marque un point tournant dans le mouvement d'opposition à la guerre du Vietnam. Et c'est un événement aussi qui va donner lieu à plusieurs images iconiques, notamment la fameuse photo où on voit une jeune fille hurler au-dessus du cadavre de Jeffrey Miller, notamment. L'auteur de la photo va gagner un prix Pulitzer grâce à ça. Mais ça va symboliser cette résistance à la guerre, ça va symboliser aussi cette espèce de clash générationnel qui va habiter et traverser les États-Unis à cette époque-là. Ouais, un marqueur très, très fort dans cette histoire de l'opposition à la guerre du Vietnam aux États-Unis. Il faut dire que le point de départ de cette série de manifestations étudiantes qui va mener à cette fusillade à l'Université Kent State en 70, cette série de manifestations, donc, au début de mai 70, est la suite d'une déclaration que fait le président Richard Nixon à la télé américaine le 30 avril 1970. Good evening, my fellow Americans. 10 days ago, in my report to the nation on Vietnam, il y a 10 jours, lors de mon adresse à la nation, j'ai annoncé que nous retirerons du Vietnam 150 000 soldats américains supplémentaires dès l'année prochaine. J'ai pris cette décision même si l'augmentation de l'activité ennemie au Laos, au Cambodge et au Sud-Vietnam nous préoccupe. J'ai aussi averti que si cette activité ennemie mettait en danger la vie des Américains postés au Vietnam, je n'hésiterais pas à prendre des mesures fortes et efficaces en réponse à cette situation. Or, malgré cela, le Nord-Vietnam a intensifié son agression militaire dans toutes ses régions, particulièrement au Cambodge. Despite that warning, North Vietnam has increased its military aggression in all these areas, and particularly in Cambodia. After full consultation, après consultation avec le Conseil de sécurité nationale, l'ambassadeur Bunker, le général Abrams et mes autres conseillers, J'ai conclu que les actions de l'ennemi au cours des 10 derniers jours ont clairement mis en danger la vie des Américains qui se trouvent actuellement au Vietnam et représentaient un risque important pour ceux qui seront toujours là après le retrait des troupes. Aussi, dans le but de protéger nos hommes et devant le succès continu de nos programmes de vietnamisation, j'ai conclu que le moment était venu d'agir. And to guarantee the continued success of our withdrawal and vietnamization programs, I have concluded that the time has come for action. Alors, c'est cette annonce du président Nixon le 30 avril 1970, Karine Prémont, qui va conduire à cette série de manifestations sur différents campus universitaires du pays. Et c'est dans le cadre de ces manifestations que va survenir donc la tragédie à Kent State en mai 70. Qu'est-ce qui explique que les étudiants décident, à la suite de cette déclaration de Nixon, d'y aller de manifestations un peu partout aux États-Unis? Mais d'abord parce que le bombardement du Cambodge est illégal en droit international et en droit américain, parce que le Cambodge n'a pas attaqué les États-Unis. Et c'est une décision qui s'est prise sans consultation avec le Congrès ou avec les secrétaires d'État et de la Défense. Alors, on est vraiment dans une logique un peu absolutiste de l'administration Nixon. Mais ça va surtout attiser la colère des étudiants parce que ce que ça va vouloir dire pour eux de bombarder le Cambodge, ça veut dire que la guerre du Vietnam va s'étendre. Alors, ça augmente leur chance d'être appelés à combattre. Il faut se rappeler que la guerre du Vietnam, la conscription pour la guerre du Vietnam touche 27 millions de jeunes hommes à partir de 18 ans. Et je rappelle qu'à l'époque, il faut avoir 21 ans pour voter. Alors, on voit aussi toute la colère que ça peut sous-tendre. Le tiers des soldats envoyés au Vietnam, c'est des conscrits. Il y a une loterie qui a été instaurée en 69 où on va tirer un jour de naissance, par exemple le 7 juin. Et tous ceux qui sont nés le 7 juin et qui ont 18 ans doivent à ce moment-là aller au Vietnam. Alors, bombarder le Cambodge, c'est étendre le conflit, le faire perdurer et donc augmenter les chances des jeunes hommes d'être appelés à combattre cette guerre qu'ils réprouvent par ailleurs. Donc, il y a ce risque qui augmente avec la déclaration de Nixon. Et puis, il y a le contexte plus large. Puis, parlons-en un petit peu de... Et même quand on touche à cette université particulière, l'université Kent State, c'est un contexte aussi particulier. Il y a dans cette université un groupe qui s'appelle Weatherman, il est très présent, ce groupe-là, à Kent State. Parlez-nous de ça. Que dire de ce groupe-là et de la réputation de Kent State à la fin des années 60 et au début des années 70? Kent State, l'Université Kent State en Ohio, c'est une université publique qui est située à peu près à 100 km là, au sud de Cleveland. Et effectivement, comme dans beaucoup d'autres universités aux États-Unis dans les années 60-70, il y a plusieurs mouvements plus radicaux qui ont manifesté sur les campus universitaires, notamment à Kent State. Et les Weathermen, en particulier, étaient bien implantés en Ohio. Les Weathermen, c'est un groupe terroriste violent d'extrême-gauche. Ça, c'est bien établi. Qui était souvent, d'ailleurs, la cible de l'administration Nixon, là, qui accusait les Weathermen et d'autres groupes radicaux d'être responsables de toutes les manifestations anti-guerre, ce qui n'était pas tout à fait vrai non plus. Mais le mouvement des Weathermen était un groupe, comme je disais, qui est violent, qui avait déclaré la guerre au gouvernement fédéral et n'hésitait pas à poser des bombes un peu partout pour faire passer son message et tenter d'inciter les gens à se rebeller contre l'administration. Il y a plusieurs personnalités controversées aussi de la gauche radicale qui avaient fait un passage à Kent State, notamment un des membres des Chicago Seven, Jerry Rubin, qui avait été à Kent State le 10 avril et qui appelait à la révolte contre le gouvernement. Et d'ailleurs, la présence de mouvements radicaux à Kent State était si importante à un certain moment que, et dans d'autres universités aussi, encore une fois, que ça avait justifié l'infiltration de campus universitaires par les membres des forces de l'ordre, par le renseignement. Et Kent State, évidemment, était aussi de ce nombre d'universités qui étaient infiltrées pour essayer de débusquer justement ces groupes radicaux. Oui. Alors, revenons à cette réaction que provoque l'annonce du président Nixon sur les bombardements américains au Cambodge le 30 avril. Dès le lendemain, dès la soirée du 1er mai, il y a une manifestation qui est organisée au centre-ville de Kent. C'est d'abord au centre-ville que ça se passe. Ça va se déplacer sur le campus un peu plus tard. Et la situation, dès cette première manifestation, la situation devient très vite tendue. Comment ça se déroule, cette première nuit de manif, Karine Prémont? Bien, exactement comme vous l'avez dit, c'est-à-dire que c'est au centre-ville que ça va se passer. Les manifestants, les universitaires pour la plupart, vont décider de se rendre au centre-ville pour protester contre la décision de Nixon. Mais très rapidement, il y aura des confrontations avec les policiers. Et les policiers sont un peu surpassés par le nombre, par l'ampleur de la manifestation, auront de la difficulté à disperser la foule. Alors, le maire de la ville va décider de fermer les bars du centre-ville parce qu'il va se dire, bien, peut-être que les jeunes vont quitter le centre-ville vu que les bars sont fermés. Ça va régler le problème. Mais évidemment, ça a été le contraire qui s'est produit. Ça a fait enrager les jeunes encore davantage. Et ça va prendre plusieurs heures avant que la police réussisse aux petites heures à disperser la foule qui est au centre-ville de Kent State. Et puis le lendemain de cette première manifestation au centre-ville de Kent, les manifestations reprennent, mais cette fois-là sur le campus de l'université. Et à nouveau, ça dégénère. Qu'est-ce qui se passe dans cette fameuse nuit du 2 au 3 mai? Mais en fait, ce qui arrive, c'est qu'à partir du 2 mai, il y aura des rumeurs qui seront assez persistantes, qui vont laisser croire aux forces de l'ordre et aux étudiants que des membres des Weathermen, justement, armés, vont se rendre au centre-ville de Kent pour vandaliser les commerces, pour incendier des bâtiments. Et c'est à ce moment-là que le gouverneur de l'Ohio, James Rhodes, va demander à la garde nationale d'intervenir pour éviter les débordements. Alors, à ce moment-là, les étudiants de Kent State s'organisent pour manifester sur le campus. Donc, on va déplacer la manifestation sur le campus. Et c'est là que la garde nationale va être déployée le 2 mai à 22 heures. Il y a à peu près 1000 manifestants qui sont là. Et le déploiement de la garde nationale, il faut le dire, a pu se faire très rapidement parce qu'elle était déjà présente à quelques kilomètres pour surveiller une grève menée par les Teamsters. Donc, c'est pour ça que ça a pu se faire très rapidement. Il y aura beaucoup de grabuges sur le site de Kent State dans la journée du 2 mai, dans la soirée du 2 mai, parce que on va incendier des bâtiments. On utilisera des gaz lacrymogènes du côté de la garde nationale. Il y aura des arrestations. Donc, ça va brasser pas mal dans la soirée et la nuit du 2 au 3 mai. Ouais. Et puis, au lendemain de cette nuit, donc agitée du 2 au 3 mai, le gouverneur de l'Ohio, James Rhodes, y va d'une déclaration qui va attiser davantage encore la colère des étudiants. On l'écoute. We are going to eradicate the problem. We're not going to treat the symptoms. And as long as this continues, higher education in Ohio is in jeopardy. Nous allons éradiquer le problème, et non seulement traiter les symptômes. Si on les laisse faire, ils vont détruire l'enseignement supérieur en Ohio. Nous avons eu beaucoup de chance hier soir, puisque 700 gardes nationaux se trouvaient déjà dans la région à cause de la grève des camionneurs. S'ils n'avaient pas été ici, il y aurait eu 14 ou 15 autres bâtiments incendiés. There would have been 14 or 15 other burnouts, and I'm talking about buildings. And it was just through the good fortune that the other incident was happening parallel with this. And we had here the county prosecutor, the mayor. Le procureur du comté, le maire, le chef de police, le chef des pompiers et les instances judiciaires ont fait preuve de cohésion. Je tiens à tous les féliciter. Ils ont fait un excellent travail malgré les contraintes avec lesquelles ils doivent composer. Il faut leur donner plus de moyens face à ces individus qui se déplacent d'un campus à l'autre en terrorisant la communauté. Ils sont pires que les chemises brunes et que les communistes, pires que les Knight Riders. C'est le pire type de personnes qu'on puisse trouver en Amérique. Et je peux vous dire qu'ils ne prendront pas le contrôle du campus, qui sera dorénavant sous la tutelle du comté et de l'État de l'Ohio. Il n'y aura aucune indulgence envers ces individus. And the campus now is going to be part of the county and the state of Ohio. There's no sanctuary for these people. Alors, c'est un gouverneur de l'Ohio, on vient bien de l'entendre, déterminé, très en colère, qui s'adresse à la presse le matin du 3 mai 70. Et ces déclarations de James Rhodes vont vraiment attiser davantage encore la colère des étudiants de Kent State. Karine Prémont, faut dire que Rhodes, c'est un personnage connu en Ohio. C'est tout un personnage. C'est pas la première fois qu'il y va de propos provocateurs face à la jeunesse non plus. Absolument pas. Il fait un amalgame entre, en fait, les groupes radicaux et tous les jeunes. Donc, pour lui, être jeune, c'est forcément être radical. Et il est reconnu pour être assez rapide sur la gâchette. Là, c'était pas la première fois qu'il appelait la garde nationale. En fait, il a demandé le déploiement de la garde nationale 40 fois en 2 ans. Alors, c'est quand même assez impressionnant. Et c'est aussi un des seuls gouverneurs des États-Unis qui demandait à être armé durant les périodes de manifestation parce qu'il voulait être en mesure de se défendre si jamais les étudiants s'en prenaient à lui. Alors, c'est quelqu'un qui est assez radical. Et qui souhaite mater rapidement par la violence, s'il le faut, les manifestants. Donc, manière forte, puis une espèce, on l'entend bien aussi, là, une peur, une obsession par rapport à tout ce qu'il peut associer au communisme. C'est un petit peu ça, la toile de fond. Exact. Ouais. Ce qui fait que le 4 mai 70, les manifestations reprennent sur le campus de l'Université Kent à la suite de ces propos, encore une fois, provocateurs de James Rhodes. Et là, vraiment, c'est la débandade. At around 12:25 p.m., hundreds of students are watching when the guardsmen near the top of a rise called Blanket Hill. Vers midi 25, Des centaines d'étudiants observent les gardes qui se trouvent en haut d'une petite butte nommée Blanket Hill. Quelques étudiants lancent des pierres. Alors que les troupes franchissent la colline, des gardes font demi-tour. D'abord quelques-uns, puis ensuite plusieurs. S'ensuit un ou deux coups de feu, suivis immédiatement d'une rafale de tir. There's a gunshot, perhaps two, followed immediately by a barrage. There are people hiding, trying to hide behind a curb. Les gens essayaient de se cacher. Si vous aviez pu vous creuser un trou rapidement pour vous y terrer, vous l'auriez fait. You know, when you realized you were being shot at. Some of the guardsmen shoot into the air. Certains gardes tiraient en l'air, d'autres vers le sol. Mais au moins 8 d'entre eux ont délibérément visé des étudiants. Et en un peu plus de 13 secondes, une soixantaine de balles ont été tirées. An estimated 60 rounds of live ammunition are discharged. Extrait d'un épisode de la série How It Was, une série présentée par la chaîne télé du National Geographic en 2008. C'est donc le 4 mai 1970, on vient de l'entendre, Karine Prémont, que tout dérape sur le campus de l'Université Kent State. Puis on l'entend un peu dans l'extrait, mais quand ça se met à dégringoler, ça va très vite là et tout part en vrille. Oui, exactement. Il faut dire que la manifestation du 4 mai avait été prévue le 1er mai pour faire suite à l'annonce de Nixon dont on a parlé, mais évidemment, les propos de Rhodes, vous l'avez dit, vont attirer encore plus de gens à la manifestation. L'université va interdire la manifestation qui est prévue, mais ça n'empêchera pas 3000 personnes de se rendre sur le campus. Il faut dire que de ces 3000-là, il y a peut-être seulement 500 personnes qui sont vraiment des manifestants. Les autres encouragent, regardent un peu de loin, mais il y a 500 personnes qui prennent activement part à cette manifestation-là. Il y a à peu près 800 soldats de la Garde nationale qui vont arriver vers midi pour essayer de disperser tout le monde. Et à un moment donné, il y a à peu près 70 gardes qui suivent de loin un petit groupe de manifestants qui sont à peu près une cinquantaine, mais les gardes vont se retrouver rapidement coincés sur un terrain d'athlétisme entre une clôture et les étudiants. Et c'est là où, en fait, que ça va commencer à mal se passer dans la mesure où les soldats vont finir par se replier parce qu'ils se font lancer des roches, ils se font crier des insultes. Alors, ils décident de se replier. Et là, pour une raison indéterminée, il y a des coups de feu qui vont avoir lieu. À peu près entre 8 et 10 gardes, comme on l'a entendu dans l'extrait, qui vont tirer sur des manifestants. 13 secondes, tout est terminé. Oui. Il y aura 4 morts, des étudiants qui sont âgés de 19 et 20 ans. Il y aura 9 blessés. Et l'université, évidemment, va suspendre les cours à ce moment-là pendant 6 semaines. Et partout ailleurs, dans les campus universitaires, des grèves étudiantes vont éclater pour dénoncer cette tragédie qui évidemment, a secoué tout le monde. Oui, et qui fait la une de tous les médias. On le disait au tout début, c'est un marqueur important de ce mouvement d'opposition à la guerre du Vietnam aux États-Unis. Comment va réagir l'opinion publique, Karine Prémont, à ces événements du 4 mai? Bien, comme je le disais, la population va être secouée par ces événements-là parce que ça reste des soldats américains qui tirent sur des étudiants américains, alors c'est quand même un événement particulier. Mais quand on demande qui est responsable de cet événement-là, bien, près de 60 % des Américains vont blâmer les étudiants. Donc, on voit là, encore une fois, que la majorité de la population est un peu ambiguë face à la manifestation anti-Vietnam, anti-Nixon, et ça se reflète dans les sondages. Encore aujourd'hui, c'est difficile de déterminer si les gardes étaient en situation de légitime défense, mais disons qu'à part les soldats de la Garde nationale, il n'y a personne qui peut corroborer leur version. Il y a des soldats qui vont dire qu'on avait reçu l'ordre de tirer, ce qui n'est pas confirmé. Ils ont regretté ce qui s'est passé. Ils ont signé un document pour dire qu'ils regrettaient ce qui s'était passé, mais ils n'ont pas reconnu leur responsabilité dans cette affaire-là. Facteur atténuant, peut-être, les soldats de la Garde nationale étaient fatigués. Il y avait eu beaucoup de confrontations dans les jours qui avaient précédé. On en a parlé. Et ils avaient peur aussi. On rappelle les rumeurs qui disaient que peut-être que des membres de groupes radicaux armés seraient présents dans les manifestants, parmi les manifestants. Alors, ils avaient peur. Et évidemment, la panique du gouverneur, l'alarmisme des dirigeants de l'université va rendre la situation encore plus tendue. Alors, c'est en partie ce qui explique pourquoi ça a dégénéré. Et à Washington, comment vont réagir les autorités à ces événements de Kent State? Bien, évidemment, le président Nixon va être égal à lui-même dans cette affaire-là. C'est pas le président, bien sûr, qui a décidé de la façon dont la garde nationale travaillerait, évidemment, mais il avait approuvé cette méthode-là pour faire face aux protestations anti-guerre, aux manifestations étudiantes. Il recommandait généralement ce genre de tactique-là pour mater les foules. Et il considérait que la mort de ces quatre étudiants calmerait sans doute les radicaux. Mais ça, on va l'entendre seulement plus tard, en septembre 71, dans un enregistrement, quand il parle à son chef de cabinet à propos d'une émeute qui se déroule à la prison d'Attica. Il va dire à ce moment-là à son chef de cabinet, tu sais ce qui pourrait les contenir, tu sais ce qui pourrait les arrêter, ces protestataires de la prison d'Attica, en tuer quelques-uns. Rappelle-toi ce qui s'est passé à Kent State. Ça a calmé tout le monde quand il y en a quelques-uns qui sont morts. Donc, on voit bien que l'administration Nixon n'est pas du tout en défaveur de ce genre de méthode forte parce que pour Nixon aussi, les étudiants qui manifestent égale des communistes, égale des radicaux, ouais. Égale une menace à son administration. Il n'est pas si loin finalement du gouverneur de l'Ohio, James Rhodes, voilà. Dans sa façon de voir les choses. Il y a un procès, une commission d'enquête qui vont suivre ces événements de Kent State. Qu'est-ce que ça va donner? Mais les gardes vont être blanchis en cours, mais le gouvernement américain va devoir dédommager les familles des victimes qui ont été tuées ou blessées de l'ordre de 675 000 $ par famille, quelque chose comme ça. Il y a une commission qui sera mise sur pied également par le président Nixon, la commission Scanton, qui va avoir une conclusion, ma foi, très claire. La fusillade était, et je cite, « non nécessaire, inexcusable, sans fondement ». Ça va mener les corps policiers et la garde nationale à modifier leur méthode d'intervention quand il y aura d'autres manifestations pour éviter une autre tragédie de cette nature-là, ce qui sera plus ou moins possible dans l'immédiat parce que 11 jours après les incidents de Kent State, deux autres étudiants seront tués par la police sur le campus de la Jackson State College au Mississippi. Alors, ce ne sera pas suffisamment rapide ces changements pour empêcher cette nouvelle tragédie. Bouclons la boucle, on l'a dit quelques fois, cette tragédie de Kent State, ça a été important, significatif dans l'histoire du mouvement d'opposition à la guerre américaine au Vietnam. Quel poids ça a eu, quel impact ça a eu concrètement sur le dénouement de cette saga américaine au Vietnam? Bien, comme ça va radicaliser les plus jeunes, ça va évidemment accélérer le mouvement d'opposition face au Vietnam, c'est-à-dire que on va retrouver des manifestations de plus en plus soutenues, de plus en plus agressives, en fait, pour dénoncer l'administration Nixon. Ça va consolider cette opposition à la guerre et ultimement, bien, ça va contribuer à faire changer l'opinion publique à partir de ce moment-là. Karine Prémont, on s'arrête là-dessus, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Ça a été un plaisir, encore une fois, quel plaisir de vous recevoir à ce micro. Merci beaucoup, Karine Prémont. Plaisir partagé. Merci beaucoup, Jacques. Merci également à Mathieu Beauchamp de la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc et Fanny Leblanc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.